De Thierry de Mercastel, parenthèse. Texte atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Illustration musicale museopen.org. Parenthèse. Dans les mouvements confus du temps, vous rappelez-vous d'étranges rêves, de tous ces pas, de ces heures si brèves, ce cheval courageux, au crin si blanc. Nazim.